Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. Oh. La plupart d'entre nous avons des souvenirs assez précis de l'époque où Internet n'existait pas, où n'était encore qu'un gadget pour initier. Il nous serait pourtant bien difficile désormais de vivre sans. En l'espace de quelques années, notre manière de communiquer, de travailler, de nous informer ou de nous distraire s'est transformée en profondeur au contact de la toile. Raison de plus pour s'interroger sans verser dans la technophobie sur les risques bien réels de cette nouvelle technologie. Les notions de liberté, de démocratisation culturelle et de transparence brandies par les nouveaux idéologues du web servent de cache-sexe à une industrie fort lucrative, fondée sur le détournement des informations personnelles des internautes et l'accaparement toujours plus invasif de leur temps de cerveau disponible. C'est dans la revue Books, Livres et Idées du monde entier le casque, t'as le micro, t'as le pouvoir. Ah non. Non, parce que c'est toi qui vas parler. C'est toi qui vas parler et t'as tout autant de pouvoir que moi. D'accord. Oh, allez, tu sais ça. Oui, non, mais pas de souci. Bon, mais c'est vrai que c'est des questions, hein. C'est vrai que celui qui tient le crachoir, c'est celui qui a le pouvoir, hein. Il faut l'écouter, c'est fatigant, quoi, tu vois, aussi. Donc je vais être fatigante. Ça dépend. Bon, allez, c'est parti. Un micro ouvert ici avec... Je peux donner ton nom, il n'y a pas de souci. Pas de souci. T'as pas de problème avec la justice, t'es pas recherché. Non, apparemment pas, non. Je crois pas. Ok, donc Déborah Fabré, c'est... Fabré, c'est français ou rien à voir? C'est catalan. Mais c'est belge, mais non, parce que voilà. Mais au départ, c'est catalan. Et quoi, t'as des origines catalanes? Oula, mais vachement loin, je crois. Très, très loin. Sinon, non, je suis de Belgique, belge. Depuis plusieurs générations, quoi. Depuis plein de générations, ouais. Ok, ben bah, enchantée, Déborah Fabré. Et bah, nous, on se rencontre parce que récemment, tu dis si je me trompe, hein, tu as fait un documentaire avec des personnes avec qui tu travailles. Et depuis déjà un bon bout de temps maintenant, 16 années, si j'ai bien compris, peut-être 17 maintenant, je ne sais pas. Maintenant, c'est 17. C'est énorme. Est-ce que tu peux un petit peu présenter ce travail, par exemple? Comment est-ce que tu le décrirais? Comment Mon travail, le docu ou mon travail Le docu à la base. Documentaire sonore. Alors, c'est un documentaire et sonore, donc il n'y a pas d'image. Ça s'appelle « De l'autre côté de la porte ». Et en fait, ça trace un peu mon boulot dans un centre pour personnes handicapées mentales, adultes, sévères à profondes. Et c'est pas plutôt mon travail, c'est surtout des sortes de portraits de ces personnes, histoire de les connaître un peu mieux, en dehors du visuel, puisque quand on les voit dans la rue, bah, souvent on s'arrête, on les regarde passer un peu bizarrement, parce que bah, ils se tiennent pas comme nous, ils parlent pas comme nous, ils parlent pas du tout, ils ont des comportements parfois dérangeants. Et donc là, c'était l'envie d'aller au-delà du visuel et de vraiment rentrer dans la rencontre par le sonore. Et donc, ça donne un travail de 45 minutes. Attends, c'est pas 42,5. Je crois que c'est 42 minutes 5 secondes. Alors, c'est peut-être l'introduction et la sortie de ta voix, peut-être, en plus. Non, je crois qu'il fait 42 minutes 05 ou 45 minutes 02. Okay. 45 minutes 02, c'est ça. 45 minutes 02. Alors, ce qui est cool, en fait, cette fois-ci, parce que c'est pas à chaque fois, j'ai eu l'occasion d'écouter ton travail. Donc, on peut vraiment parler d'un contenu, quoi. Moi j'ai voilà quand c'est comment le titre encore ouvrir la porte hein, de l'autre côté de la porte tu ouvres la porte quoi et tu rentres vraiment dans un univers. Et alors ce que j'ai adoré, c'est le passage où tu demandes à Marguerite, tu dis je crois que c'est ça son prénom, Marguerite, qui doit se laver mais qui pense qu'elle va dormir. J'ai adoré ce passage parce que c'est répétitif comme ça. et chaque fois à inventer une nouvelle chose pour qu'elle comprenne bien que, mais non, Marguerite, tu vas pas dormir, tu vas te laver, et une énorme patience en même temps. Enfin, c'est là qu'on se rend compte que ça doit pas toujours être évident de travailler dans ce métier-là, précisément, avec des personnes handicapées, et que peut-être on fait pas ça non plus toute sa vie parce qu'à un moment donné, enfin voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ce que je te dis? Oui, c'est ce qu'on croit, enfin ce que je croyais aussi, hein, que j'allais pas faire toute ma carrière là-bas. Pourtant, ça fait 17 ans que j'y suis. Et ouais, parfois c'est répétitif, c'est souvent répétitif parce que c'est il y a beaucoup de choses ritualisées. Ce qu'il y a avec Marguerite dans cette séquence-là, c'est faut savoir que Marguerite était en fin de vie à ce moment-là, qu'elle est décédée pendant le montage et que. Du coup, on savait qu'elle allait mal. Quand on sait qu'elle va mal, ben on a du coup une autre patience aussi parce qu'on, enfin voilà, on sait qu'on l'accompagne. Et du coup, oui, c'est vrai que normalement la séquence originale, elle dure, je crois, plus de 10 minutes où je répète toujours la même chose. Et c'est vrai que quand j'ai réécouté, je me suis dit, c'est vrai qu'en même temps là, oui, il faut de la patience à certains moments. Parfois, non, on perd sa patience. Hein. C'est clair qu'il y a des moments où parfois c'est trop. Et que de toute façon, il faut mettre des limites. Et moi, je pensais pas que j'allais travailler pendant 17 ans au même endroit. Et pourtant, là, j'y suis. Et je compte pas y partir. Ce qu'il y a aussi, c'est que je travaille à mi-temps. Du coup, c'est entre guillemets plus facile. Puisque là, je suis pas 38 heures semaine présente. Du coup, travailler à mi-temps, tu peux faire d'autres choses à côté, dont un documentaire. Et ça permet aussi de prendre du recul par rapport au boulot, quoi. C'est clair que. Mais enfin, j'essaye de me souvenir, mais sinon, ce documentaire que tu as fait, ben voilà, j'ai l'impression que là, on rentre vraiment dans la profondeur, quoi, ce passage-là. Parce que tu es là, tu écoutes, là, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, durant l'autre temps, ben voilà, on est un peu à croiser des gens sans vraiment s'attacher à eux. Et puis, surtout la fin aussi, quand tu énonces tous les prénoms plus qu'au début, en fait, parce qu'au début, tu en présentes quelques-uns. Ceux qu'on va entendre en fait. Je présente ceux qu'on va entendre. Donc j'ai le prénom de ceux qu'on va entendre. Et puis à la fin, c'est ceux de tout le centre. Parce que là-dedans, je me suis imaginé qu'il y avait peut-être aussi des prénoms des gens qui travaillaient là, etc., etc., quoi. Ah non, c'est rien que les personnes handicapées du centre. Donc il y a les internes, les externes. Et donc c'est l'ensemble, quoi. C'est les 30, 34, je crois. Oui. C'est énorme, ça, dit. C'est énorme, hein. Et donc, toi, t'as interviewé une petite partie de ces gens-là. Comment t'as demandé leur avis? Comment ça s'est passé, en fait? Non, en fait, j'avais un ingénieur du son, Grigor. Et donc, lui m'a suivi dans mes périodes de travail. Et c'est après, en fait. L'écriture s'est faite après. C'était clair qu'il fallait prendre les personnes qui étaient soit celles qui s'exprimaient le plus, soit celles qui paraissaient les plus intéressantes, en fait, qui étaient régulièrement dans les enregistrements. Il y a par exemple Stéphane, donc le grand, qui parle tout le temps. C'est vrai qu'il parle tout le temps, on l'entend tout le temps. Et donc j'ai vraiment voulu faire une séquence avec lui parce que c'est, enfin déjà son langage est complètement incompréhensible. Et en même temps, il n'y a même pas moyen de l'imiter. Enfin, c'est super difficile. Et puis il y a des sons qui sortent comme ça, des mots qu'on comprend. Et ça, je trouvais ça super intéressant de montrer aussi que voilà, il y en a qui parlent pas, il y en a beaucoup qui parlent pas. Mais en même temps, il fallait aussi quand même montrer que, enfin, faire entendre des choses que les gens pouvaient comprendre facilement, sans que je ne doive traduire tout le temps, en fait. Oui, je vois Stéphane, c'est le gars qui s'invente un langage rien qu'à lui. Mais voilà, moi, dans mon univers, je trouve qu'on aurait pu le mettre plus encore en avant, tu vois, vraiment rentrer dans sa. Enfin, ça, c'est peut-être moi mes repères, hein, mais d'avoir plus sa langue, quoi, de vraiment prendre un temps pour. Parce que je trouve qu'on l'a abordé un peu à la va-vite, quoi. Tandis que l'histoire avec Marguerite, tu prends vraiment le temps, là, tu vois. Il y a quelque chose qui se passe pendant un laps de temps, quoi. Tu comprends? Avec Marguerite, il y avait aussi une forte charge émotionnelle en fait dans cette partie-là parce qu'on sent l'angoisse qui monte au fur et à mesure de la séquence puisqu'elle finit en criant en fait. Et je sais que la première fois que je l'ai écoutée quand on l'a mis dans le documentaire, donc on savait pas très bien où la mettre. Donc à un moment, on l'avait mis à la fin, puis alors on s'est dit, mais là, on plombe tout le monde, en fait. Mmh. C'était un peu... qu'on l'a mis au début, du coup, ça collait pas non plus. Mais alors, si on le mettait au milieu, enfin, bon, ça a été... Parce qu'en fait, il y a une solide charge émotionnelle. Et moi, bon, aussi, de par le fait qu'elle était en fin de vie pendant le montage, et qu'elle est décédée au mois de juin, et on a fini le documentaire au mois d'août, bah voilà, du coup, ça devenait aussi un peu difficile. Mais il fallait prendre le temps de... pour cette séquence-là, de par sa charge émotionnelle aussi, en fait, on ne pouvait pas juste passer... Mais ça a été vraiment une question de savoir si on la mettait ou pas, quoi. Mais pourquoi, en fait ? Parce que cette charge émotionnelle, elle existe dans ton boulot, tu vois ? Pourquoi ? Tu t'es posé la question, est-ce qu'on la met ou pas ? Ouais, parce que je la trouvais... peut-être un peu... lourde, et puis voilà, puis moi, c'est, enfin, au départ, entendre ça, moi, ça me faisait un peu de mal, quoi. C'était, je crois que c'était aussi par pudeur, clairement, que je me disais qu'on n'allait pas la mettre. Et puis, en discutant, c'était... Voilà, mais c'est un des moments forts, en fait, du documentaire. C'est pour ça que c'est vraiment... C'est la séquence qui fait la coupure, en fait, entre les deux parties. Il y a deux, enfin, moi, j'imaginais deux parties dans le documentaire. Et c'est vraiment ce qui fait la coupure de la première partie, où après, on passe sur du beaucoup plus léger, en fait. Oui, parce que ton boulot, quelque part, enfin, je sais pas, je connais pas, mais c'est, enfin, voilà, je trouve que là, ce n'est pas que ça, évidemment, mais c'est quand même un travail lourd, quoi. C'est pas toujours évident, non ? Si. Si. mais en fait, ce qui est lourd, c'est le bruit. Parce qu'on s'en rend peut-être compte dans le documentaire, mais il y a du bruit tout le temps. J'ai travaillé lundi et mardi, et à un moment, il n'y a pas eu de bruit pendant 6 secondes. On s'est tous arrêtés, on s'est regardés. Qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est vraiment tout d'un coup. Alors, on est là, tous les éducs, on s'est arrêtés. Et on profite, en fait, parce que ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Il y a toujours un qui fait du bruit. Et une fois qu'il y en a un qui fait du bruit, les autres. Il y a toujours un brouhaha, finalement. Et donc, ça, c'est peut-être le plus lourd. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'ils vieillissent. Donc là, maintenant, on est dans un processus de vieillissement. Donc, moi, je ne travaille plus qu'avec les vieillissants, en plus. Donc, et donc, il y a beaucoup plus de prise en charge. Et donc, physiquement aussi, parfois, ça devient plus difficile au niveau des prises en charge des toilettes, même des repas. Cyril, les repas, on doit faire super gaffe pour l'instant. Et les toilettes, d'ailleurs... Tu dois faire pourquoi super gaffe aux repas ? Et ils font il y en a de plus en plus qui font ce qu'on appelle des fausses déglutitions. Donc, qui en mangeant s'étouffe, en fait. Du coup, il faut être super vigilant. Donc, on est chacun à une table et on sait que le Stéphane, par exemple, il faut vraiment rester à côté de lui et lui donner une petite cuillère. Il ne faut pas qu'il mette trop en bouche. Parce que voilà, il y a des risques. Et ça fait un peu peur parce que c'est déjà arrivé. En plus, on a eu un décès suite à un étouffement lors d'un repas. Et du coup, ouais, ça fait peur, quoi. Tu te dis qu'en mangeant un brocoli. Ils peuvent y passer, quoi. Donc, on fait super gaffe, on coupe en petits morceaux. Et donc, voilà, il y a une vigilance à avoir. Et ouais, de par le vieillissement, la prise en charge est plus lourde. Pour ça, maintenant, au centre, il y a toute une partie qu'on appelle l'hébergement, où là, il y a les 8 plus âgés qui restent en hébergement tout le temps et ont un rythme de vie adapté. Et moi, je travaille avec eux uniquement. Et donc, je m'adapte à leur rythme. Donc des personnes qui vivent là, non-stop, et d'autres qui retournent chez leurs parents. Ouais, il y en a 16 qui restent tout le temps au centre, donc ils sont dans le centre d'hébergement. Certains rentrent le week-end, ou un week-end sur deux, ou de temps en temps. D'autres où c'est la famille qui vient rendre visite les week-ends. Et puis à côté de ça, il y a les autres, qui sont 17 je crois. Je ne travaillais pas en centre de jour, du coup, je ne sais pas. C'est bien. Et ce qu'on appelle le centre de jour, et donc eux arrivent le matin, ils repartent le soir, dans leur famille ou dans un autre centre d'hébergement, en fait. Mais quand tu parles qu'il y a toujours du bruit, moi, ça me fait penser à... Bah, c'est normal, 35 personnes dans un espace, il ne peut que y avoir du bruit, non ? J'imagine que si il y avait une logique de faire des petits groupes dans des endroits un peu plus confinés... Ah, c'est ce qui se passe, hein. Donc la journée, ils ne sont pas tous ensemble, il y a différents ateliers. Donc ça, c'est au niveau du centre de jour, où ils sont, je crois, ils sont 8 maximum par atelier. Et nous, en hébergement, ils sont 8. Ouais, ils sont 8. Et encore, on ne fonctionne pas avec les 8 en même temps. Il y a beaucoup de prises en charge individuelles, que ce soit s'occuper de la chambre, faire les toilettes. Donc là, le matin, on prend vraiment du temps à ça. On fait de la musique, regarde des vidéos, on fait des vidéos. On a décidé de créer un film en stop motion. Qu'est-ce qu'on fait encore ? On fait de la peinture. Moi, je fais du tricot et de la tapisserie avec une. Et donc, tu vois, c'est vraiment des prises en charge assez individualisées ou en très petits groupes. Mais même, il y a toujours... Enfin, quand ils sont tous ensemble, ils sont 16 un maximum. Mais il y a toujours, ouais, toujours du bruit, quoi. Toujours. Et même, il y en a un, il fait du bruit tout le temps. Ben, Stéphane, il parle tout le temps. Lucien, quand il ne s'endort pas, quand il s'endort pas, ben, il grogne, il renifle. Voilà, il y a Ricardo aussi qui fait tout le temps, il parle tout le temps, mais dans son langage, ouais. À lui, des petits éclats de voix où il fait des bruits avec sa bouche. Enfin, voilà, donc il y a toujours... Il y a toujours des bruits, et pas comme si tu mettais justement 30 personnes dans une même pièce qui vont discuter ensemble. Ouais. C'est pas le même bruit en fait, c'est du bruit, c'est leur bruit à eux quoi, qui est assez indéfinissable. Et je trouvais ça super riche en fait, justement cet univers sonore qui est difficilement, on peut difficilement le décrire. Il faut vraiment l'entendre pour s'en rendre compte. Ouais. Du coup, il y a eu un silence. Mais oui, est-ce que tu as vu ce film avec une ville en Espagne sur trois personnes handicapées un film belge, flamand. Ah, dommage, quoi. Une ville en Espagne ? Oui, le titre c'est On ira tous ça. C'est une ville en Espagne, quoi. J'ai un trou. Non, mais ça pourrait être, on n'a pas entendu, mais tu as dit Torremolinos, parce que c'est une chanson de Stella, on ira tous à Torremolinos. Non, la merde, ça me revient plus, c'est un super film, quoi. C'est trois gars qui décident d'aller en Espagne parce qu'il y a un bordel pour les personnes handicapées, non? Non, mais c'est intéressant. Allez, mais c'est dingue que t'aies pas vu ça, parce que c'est vraiment le sujet aussi, quoi. Mais là, c'est pas des personnes lourdes, quoi. Hein. C'est un gars en chaise roulante. T'en as un autre aussi, mais qui sait bouger ses roues lui-même. Et puis t'en as un autre qui sait vraiment pas bouger dans sa chaise et qui fait tout par mécanique, quoi. Et puis t'as un troisième simplet, quoi. Et ils sont tous les trois là. Ils vivent tous chez leurs parents. Tu vois pas de quoi je parle, il faut que tu vois ça. Hein. Et ils se disent, il y en a un qui trouve l'idée d'aller en Espagne, parce que là, il y a un bordel, ils veulent faire l'amour, quoi. Ils veulent connaître c'est quoi ce bazar, ils en ont marre de simplement être là, ils veulent connaître ce que c'est, quoi. Et donc, ils mettent tout en place pour y aller, et c'est super. je m'en souviens plus du film, du titre du film, mais ça va peut-être me revenir. Enfin, voilà. C'est dommage, du coup, que t'aies pas vu ça. Mais voilà. Donc, la personne handicapée, c'est une personne. Alors, j'ai aussi vu, quand tu fais une recherche d'emploi, par exemple, il y a plein d'offres. J'ai l'impression que c'est nouveau aussi, comme s'il y avait, Kratzi raconte n'importe quoi, de plus en plus de personnes handicapées sur la Terre. Il y a de plus en plus d'offres d'emploi avec des personnes handicapées. Est-ce que c'est possible ce que je dis ou je raconte n'importe quoi? Ou il y en avait aussi il y a 10 ans, quoi? Alors, il faut peut-être se poser la question de savoir, quand on sort d'une école d'éduc, ou quand on veut être éducateur, où est-ce qu'on veut travailler? Et je crois que la plupart des jeunes, quand ils sortent de l'école, se dirigent plutôt vers tout ce qui est enfance. Et peut-être que le handicap fait peur. Ça fait peur, en fait. Parce que c'est un peu l'inconnu. Maintenant, je sais que ça a changé au niveau de l'école d'éduc que j'ai fait, là, à Defray, qu'il y a beaucoup plus de cours sur la prise en charge des personnes handicapées adultes. Moi, j'ai eu aucun cours là-dessus, en fait. Je crois pas. Je suis arrivée au centre. Moi, j'avais déjà travaillé avec les handicapés mentaux, mais au village numéro 1, donc ils étaient légers. Et voilà, j'avais fait mon stage là, j'avais travaillé là-bas pendant 3 mois. Et puis donc, je m'étais dit, moi, j'ai envie de travailler dans ce milieu-là. Et donc, je suis arrivée. Mais pourquoi, en fond? Pourquoi t'avais envie de travailler dans ce milieu-là? Qu'est-ce qui t'attirait? Parce que, par exemple, et c'est ça qui est intéressant, en miroir, moi, pas du tout. Fais-moi partager, c'est quoi cet univers, quoi? Alors, au village numéro 1, je sais pas. C'est une bonne question, parce que je voulais absolument pas faire mon stage là-bas. Je voulais travailler avec des enfants, évidemment. Et c'est mon directeur de mémoire qui m'a dit, ma directrice de mémoire qui m'a dit, hop, tu vas travailler avec les adultes. Et je suis arrivée là-bas et en fait, je me suis rendu compte que c'était des personnes, que c'était pas des gosses, dans des corps d'adultes, quoique. Mais qui avaient, enfin voilà, qu'il y avait une relation qui était tout à fait possible et pas, et vraie, voilà, authentique. Où t'as pas joué un rôle social, enfin eux, ils t'aiment pas. Enfin, c'est pas parce que tu vas aller en mini-jupe et en talons qu'ils vont t'aimer plus. Non, c'est pas sûr, hein. Y en a qui vont être tout affolés, tout affolés, hein, sérieux. Je sais pas, j'avais été travailler en mini-jupe et en talons, en fait. Mais je crois que la relation, là, est plus authentique, où il n'y a pas de rôle à jouer. Ils sont pas contents, ils sont pas contents, quoi. Mais là, c'était plus... j'étais plus dans l'accompagnement dans leur vie quotidienne, parce qu'ils étaient quasi totalement autonomes. Ouais, parfois, ils demandaient pour... qu'on leur lave les cheveux ou qu'on leur frotte le dos. Enfin voilà, c'était. Ils faisaient à manger eux-mêmes, on les aidait à préparer à manger. C'est eux qui m'ont appris à faire de la vinaigrette. Et ouais, au yaourt. Et voilà, donc du coup, je me suis retrouvée dans un. J'ai envie de dire un monde différent, en fait, parce que c'est pas ce qu'on connaît tout le temps. Et donc, du coup, j'ai postulé au Centre Espoir et Joie quand j'ai fini mon contrat au village numéro 1. Et là, je t'avoue que le choc, il a été un peu violent. Je suis arrivée et la première personne que je vois, si je me rappelle, c'était Danou. Et j'étais en couloir et je lui demande « Bonjour, excusez-moi. » J'étais en chemise de nuit, il était 8h du matin, il faisait tout noir, c'était en février. Et je lui dis « Excusez-moi, pourriez-vous me dire où est la cuisine ?» Et puis elle fait « Wouh !» Là, j'ai ouvert la bouche, j'ai fait « Merci. » Et puis elle est partie en grattant les murs. Je suis là « Ouh là là là là !» N'empêche que là où elle a fait « ouh », elle a tapé sur la porte, c'était la porte de la fameuse cuisine, donc elle m'avait quand même bien montré là où c'était. Et la deuxième personne que j'ai croisée, c'était Guilin. Et donc je me présente, je fais « ah ben bonjour, je m'appelle Déborah, et toi ?» Puis il me fait « oui, bonjour, oui !» Je regarde, je fais « mon Dieu !» Et puis je lui repose la question, il me répond toujours la même chose, je crois qu'il ajoute un truc comme « pfff !» Je fais « ok !» Et là, il y a la chef éduc de l'époque qui arrive et qui me dit « je vais te montrer comment on fait. » Et alors là, elle commence à le regarder et à gaguettiser, mais complètement avec lui. Et puis elle fait « Moi, Bernadette, toi ?» Et lui, il répond « Oui !» Elle dit « Non, pas oui, Guilin !» Et je la regardais gaguettiser, je me dis « Mais je vais jamais tenir dans un truc comme ça si je dois commencer à agir comme elle. Mais je crois que je deviens dingue au bout de 2 jours, quoi. » Puis en fait, je me suis rendu compte que c'était sa façon à elle de faire et que chacun trouve sa façon, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, là, enfin, moi venant du handicap mental léger, à me retrouver là avec des gens qui ne parlaient pas. Vous savez, des grognements qui me répondaient à côté de la plaque. Du coup, j'étais un peu, mais qu'est-ce que je vais faire ici? Qu'est-ce que je vais faire avec eux? Et là, du coup, ça a été le challenge aussi. Et puis, comment les comprendre? Alors là aussi, je me suis dit, mais comment moi, je vais me faire comprendre? Et puis, comment moi, je vais les comprendre? Enfin, comment on va faire, en fait, pour communiquer? Et donc, c'est marrant, ça va vraiment petit à petit. Puis alors, on apprend, puis alors, on pose des questions à la con, aux collègues. Il y en a un qui répète tout le temps, mais Jean-Pierre, on l'entend un peu dans le docu aussi. Et qui, c'était mon premier jour. Premier jour, j'ai fait 8-20 heures. Donc c'était une belle journée. Et on était dans le divan à 4 heures pour prendre le goûter. Et puis alors, il me regarde, mais tout sérieusement, et puis il me dit, mais je vais mourir. Je t'ai regardé, je fais « ça va ?»« Non, ça va pas. » Et j'ai couru dans la cuisine chez mes collègues, je fais « écoutez, il y en a un qui dit qu'il va mourir, il va pas bien. »« Ah non, mais t'inquiète, hein, il répète ça 15 fois par jour. » C'est comme quand on crie au loup, tu vois, si ça tombe, à force de le crier, on ne croit pas, et puis une fois, c'est vrai, quoi. Ah oui, ben c'est ça, il va... Non, mais c'est marrant. Ces jours, ça va arriver, quoi. Du coup, moi, j'ai déjà dit, il me regarde, mais je vais mourir, je fais « pas quand je travaille. » Je te l'ai déjà dit, donc il a le droit de mourir, mais pas quand je travaille. Ça le fait rire quand on lui dit ça. Ben oui, moi, là-dessus, ben, je rebondis parce que j'ai une petite expérience aussi dans le... Par contre, moi, ce que j'aimais pas, c'était la régularité et les horaires. C'est toujours la même chose. Ça me rend dingue. Déjà, dans la vie normale, on va dire, t'as envie d'avoir des plages un peu sortir du cadre. Et avec les personnes handicapées, ça les rassure vachement d'avoir le repas qui suit à la même heure. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme « Vol au-dessus d'un nid de coucou ». Tu vois le film? Ah oui, oui, là je vois ça. J'ai vu le film, la pièce de théâtre, j'ai lu le bouquin. Oui, non, ça va. Incroyable quand même, hein. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup le film. Ce qu'on voit aussi dans ce film, et je trouve qu'il raconte aussi des choses dans ma réalité de travail avec les personnes handicapées, c'est les personnes normales, adultes, qui gèrent ça. J'ai vu des choses horribles, quoi. Tu vois, j'ai même fait à la fin de mon stage une lettre en disant... parce que j'ai vu des travailleurs qui manipulaient les... Moi, je serais avec des petits aussi, quoi. Et... un petit se lève au matin, il y a le bus de l'école qui vont les prendre tous là, et il traîne parce qu'il a un lacet. Voilà, tu vois, il y a un matin, tu prends un peu plus de temps. Et je me souviens que la personne adulte qui s'occupait de lui l'a chargé à mort alors que lui, il ne sait pas se défendre, il ne sait pas vraiment causer. Enfin, tu vois, c'est horrible parce que tu as du pouvoir comme ça facilement. Tu comprends ce que je veux dire? Et la personne handicapée, elle est tellement dans son univers, tellement lointaine, que tu pourrais lui faire dire n'importe quoi, tu peux dire n'importe quoi sur la personne, de toute façon, elle ne sait pas se défendre, elle a une réalité qui lui est propre. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, j'ai trouvé horrible aussi. Et puis, par contre, dans ce qui est positif, j'ai fait un stage au prétexte. Ah, Anderlecht? Non, non, du côté de Uccle. Ça me dit quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Je crois que j'ai postulé là-bas. Travail passionnant, là, vraiment, où là, on prend vraiment la personne handicapée comme une personne. J'ai assisté à des trucs de ouf, mais j'ai vraiment super. Genre, il y avait une réunion une fois par semaine, et avec les personnes handicapées. Donc, elles savaient qu'il y avait une réunion, qu'elles étaient importantes, qu'elles allaient pouvoir s'exprimer. Et par exemple, t'en avais un qui se levait, il prenait sa feuille, et il racontait, on comprenait rien, mais il avait lâché son truc, quoi. Enfin, tu vois, c'était super, quoi, vraiment. Et c'était une directrice... Oh, elle avait aussi un drôle... Léonce... c'était son prénom, Léonce, et... Je me souviens plus de son nom de famille, mais qui gérait ça super bien. Voilà. Alors, des réunions avec les résidents et ceux du... Enfin... Les adultes, on les appelle les adultes. Les adultes du centre, on en fait, et donc par petits groupes. C'est vrai que bon, c'est pas évident quand il y en a qui s'expriment pas et qui, ou pour eux, enfin, qui se laissent vivre. Voilà, c'est un peu, ils se rebellent hein, parfois. Donc là, c'est pas évident. Mais c'est vrai que c'est important de leur laisser les choix, en fait. Nous, on essaie de, enfin, moi, j'essaie de leur laisser beaucoup de choix parce que je me dis, allez, enfin, c'est déjà ça dans leur autonomie. Même s'ils en ont très peu, et donc au moins de pouvoir choisir, et donc bah, c'est des bêtes choix, enfin, entre guillemets, pour nous ça paraît bête, quoi, c'est... Mais je leur mets tous les pots de confiture, de choco, bord de cacahuètes, enfin, tout ce qu'il y a pour mettre sur la tartine, et voilà, ils peuvent choisir, quoi, ils prennent en main. C'est important, moi, pour moi, le plus important, en fait, c'est vraiment leur bien-être. C'est vraiment le plus important, moi, j'ai pas envie de les forcer à faire les choses. Bon, parfois, il faut... Bon, tu dois quand même te laver tous les matins. Faut quand même sourire, faut quand même qu'il y ait quand même certaines règles dans la vie en communauté. Et donc ceux qui le peuvent, bon ben voilà, débarrasse tes affaires parce que je suis pas là pour tout faire. Ceux qui savent, il y en a qui essayent de s'enfouir pour pas le faire. Et donc ouais, mais les traiter en personne, comme des personnes, c'est indéniable. Enfin c'est le béaba quoi. Et ne pas les infantiliser, et ça c'est le plus dur. Parce que mine de rien, on est quand même dans un registre de personnes qui, pour donner une image, ont quand même un QI entre 8 mois et 5 ans, mais qui sont des adultes. Et donc, parfois, les traiter en adultes, c'est pas toujours évident, puisqu'il y a quand même, c'est quand même assez limité, quoi. Par exemple, pendant des années, t'as des règles institutionnelles, tu te demandes d'où ça vient, mais c'est tellement ancré qu'en fait, on les garde. Donc, jusqu'à pas très longtemps... Quand j'ai pas très longtemps, jusqu'à quelques semaines, ils avaient droit le matin à 2 tasses de café, pas plus. Et puis on s'est posé la question, et puis on m'a demandé, tiens, mais pourquoi 2 tasses de café, pourquoi pas plus? Comme je suis une des plus anciennes, je dis, bah, écoute, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, des gens comme Marc, enfin, comme certains, ne vont pas avoir de limites. Et donc, si tu ne mets pas toi une limite, eux vont continuer, et puis à un moment, il n'y aura plus. Et quand il n'y a plus, c'est là que ça va poser problème. Puisque comme on les a laissés prendre, une fois qu'il n'y a plus, il n'y a plus. Et là, ils ne comprennent pas. Donc, ça peut générer des crises. Et donc, on est reparti dans l'idée de, voilà, on laisse des cruches de café à table. Et donc, quand c'est vide, c'est vide. Et bien là, tu vois que toi, en tant qu'adulte, tu vas te limiter. Tu ne vas pas prendre la cruche à toi tout seul, quoi. Et bien là, oui, eux, oui. Et donc, on essaie d'instaurer que bah, si tu te sers du café, bah, tu en sers aux autres de ta table aussi, quoi. Et c'est super compliqué. Donc là, tu vois, ils n'ont pas de réflexion d'adulte, puisque c'est très égocentrique, quoi. Et c'est avoir, avoir, avoir, prendre, prendre un maximum. Et donc, c'est encore assez enfantin, quoi. Donc, comment faire la part des choses entre les traiter en tant que personne adulte et pas en tant qu'enfant, enfin ne pas les infantiliser tout en sachant bien qu'à certains moments on les infantilise, quoi. Par exemple, je vais à la foire avec eux, j'ai été une petite foire là à Jette, et bah, qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, la pêche au canard. Puis tu te dis, ouais, mais ce sont des adultes, on va peut-être pas faire une pêche au canard. Puis bah, si, on a fait une pêche au canard, et puis derrière, mais qu'est-ce que vous. Enfin, quand tu fais une pêche au canard, tu gagnes des conneries, quoi. Bah, donc, ils ont pris des petites poupées, des petits machins. Et là, je me suis dit, donc là, je les infantilise ou pas? Bah, ça leur fait plaisir. Donc, bah, tu vois, il y a vraiment beaucoup de questions à se poser, quoi. C'est pas facile. Non, c'est vraiment pas facile, en fait. Ils ont quand même eu leurs poupées. J'étais contente. Mais est-ce que tu vois, par exemple, ça doit être intéressant aussi comme ça, puisque tu travailles depuis plein d'années, de voir comme un enfant qu'il évolue, quoi. Est-ce que tu as pu avoir des remarques comme ça, des observations? Alors, dans la plupart des cas, ils n'évoluent pas, ils font le contraire. Il y a une perte d'autonomie, en fait, en vieillissant. Donc, ouais, je les connais depuis 17 ans, donc certains avaient... Ah, ils sont tous plus vieux que moi, encore maintenant. Donc, même s'il y a eu un renouvellement, ils sont tous plus vieux que moi. Et donc, maintenant, donc, la plus âgée, c'était Marguerite, donc elle est décédée au mois de juin. Elle avait 72 ans. Là, maintenant, c'est qui le plus vieux? C'est... Ah, mais c'est mon copain Jean-Pierre, qui va avoir 70 ans fin octobre. Pourquoi je disais ça? Parce qu'on parlait de l'évolution, voilà. Que ça bouge, alors, quoi. Au niveau de leur... tu vois, un enfant, en 17 ans, c'est le jour et la nuit, quoi. Il va apprendre plein de trucs, il va devenir complètement autonome. Ici, les adultes... Il y en a qui apprennent qui ont appris, enfin qui ont des acquis, qui les maintiennent, qui en apprennent d'autres. Et puis il y a ceux qui les perdent, donc qui perdent complètement leurs acquis, qui perdent leur autonomie parce qu'ils vieillissent. On voit des changements de comportement aussi. Donc soit il y a des personnes qui se calment beaucoup, donc qui étaient un peu speed à faire des crises et tout, et qui avec l'âge deviennent plus calmes. D'autres, ou c'est le contraire, qui deviennent de plus en plus nerveux. Des rituels aussi, on a un qui a énormément de rituels, et ces rituels sont de plus en plus importants au fur et à mesure du temps. Là maintenant, la moindre contrariété provoque une crise, en fait. Donc il doit avoir un gobelet orange, un bol rouge... il faut lui servir son cacao dans le gobelet, le café dans la tasse, ses cornflakes dans le bol rouge avec beaucoup de lait et un peu de cacao. Voilà, et c'est ta. Et lui, c'est de plus en plus, quoi. Et moi, je parviens encore à quand il y a pas, par exemple, voilà, parce qu'il lui faut absolument le matin, il lui faut absolument un yaourt à la cerise. Moi, quand il y a pas de yaourt à la cerise à l'état, je lui dis, bah, il n'y a pas, mais choisis, je lui laisse le choix d'autre chose. Donc là, ça passe. Avec d'autres, ça passe pas, parce qu'il y en a qui sont angoissés. Ah, mais il va piquer une crise. Bah oui, bah, voilà, la frustration fait partie de la vie aussi. Donc, mais on essaie évidemment d'éviter les crises, quoi. Mais donc voilà, lui, il est de plus en plus ritualisé, puis ils perdent de leur autonomie aussi dans leur mouvement. Donc en vieillissant, bah, ils ralentissent, ils deviennent plus lents. Oui, s'ils ralentissent, ils deviennent plus lents. Oui, mais c'est un peu comme nous aussi, ça. Quand on vieillit, normalement, tout est plus au ralenti, etc. etc. La question, tu as répondu, hein, mais on part aussi, est-ce que tu vois, est-ce que tu as pu voir une personne handicapée qui avait un souci dans quelque chose et qui a évolué, quoi, qui s'est transformée, que tu vois, comme un enfant qui, à la base, ne savait pas mettre ses souliers tout seul, et puis un jour, il sait le faire, quoi, voilà. Est-ce que tu as pu avoir des histoires comme ça? Il y en a une qui s'exprime, qui, au début que je travaillais là, était complètement inhibée, en fait, mais complètement. Elle pouvait rester une heure devant sa porte, dans la porte de sa chambre, en attendant qu'on vienne lui ouvrir. Au lieu de venir nous demander la clé, de venir ouvrir, elle attendait, elle ne disait rien, elle ne parlait pas beaucoup. Et là, maintenant, ben c'est elle qui rigole dans le docu, en fait, qui à la fin chante, danse. c'est le jour, enfin elle, c'est vraiment le jour et la nuit, et elle prend des initiatives aussi, ce qu'elle faisait pas du tout avant. Donc tout d'un coup, elle va prendre l'essuie-vaisselle, elle va essuyer la vaisselle. Elle va ranger les chaises. Et ce qu'elle faisait pas. Dans les évolutions, je sais pas vraiment. Est-ce que ce serait quelque chose d'affectif, quoi ? Ça veut dire que quand la personne handicapée se sent bien quelque part, qu'elle est reconnue comme elle est, donc on pourrait... Ou bien c'est du pur fantasme que j'ai, c'est-à-dire que... Non, il y en a une. Depuis qu'on a lancé l'hébergement, donc c'était en mai dernier, Isabelle, elle était assez renfermée, parlait pas, souriait pas beaucoup, criait beaucoup, s'automutilait même, ça elle faisait au début que j'étais là, maintenant beaucoup moins. Et là, en fait, elle souriait, elle dansait, parce qu'elle est bien là où elle est. Enfin, on a vraiment trouvé pour elle ce qui lui convenait. Enfin, elle a trouvé pour elle ce qui lui convenait. Et donc, j'ai découvert, et ça, c'est génial, parce que t'imagines, ça fait 17 ans que je travaille là. Et c'est cet été, je crois. Non, c'était l'année passée. Marguerite, donc, était en chaise roulante et tout. En fait, quand elle était plus jeune, elle tricotait tout le temps. Et donc, quand elle était en fin de vie, moi, je tricotais à côté d'elle, en fait. Je prenais son tricot et c'est moi qui tricotais et elle regardait. Et puis, je sais pas, prends une nubie, je prends le tricot, donc je prends les aiguilles, la laine, et je donne à Isabelle, qui s'est mise à tricoter. Et là, j'ai ouvert des yeux, mais du style... Qu'est-ce qui se passe ? J'étais pas au courant qu'elle savait tricoter, quoi. Et elle souriait, elle tricotait. Bon, c'était pas... Elle a perdu des mailles, enfin, elle a fait des trous, c'était génial. Elle continue maintenant encore... Mais elle savait tricoter, ce que je ne savais absolument pas. Et je vois qu'elle prend du plaisir à le faire, quoi. Du coup, j'ai acheté de la tapisserie aussi. Je lui ai dit, bon, tant qu'on y est, on va essayer. Et donc, elle sait aussi faire de la tapisserie. Il faut dire où elle doit piquer. Et ça lui plaît. Donc voilà, j'ai mis 17 ans avant de découvrir que Isabelle, que je côtoie quand même depuis 17 ans, qui est dans l'internat, donc qui est interne, sait tricoter, aime tricoter et fait de la tapisserie. Donc je me dis, je vais encore découvrir un tas de choses, quoi. Et donc ça, c'est les chouettes découvertes. Je trouve ça génial. Oui. Et c'est pas les personnes handicapées qui disent, qui peuvent dire ce qu'elles aiment, ce qu'elles aiment pas, ou qui, tu vois ? Parce que là, c'est comme si toi, t'avais découvert. C'est comme si elle ne savait pas. Mais elle sait pas parler. Hein. Elle parle pas, donc elle s'exprime pas. Et c'est vrai quand tu disais, tu vois, que finalement, on peut en faire ce qu'on veut des personnes handicapées, pour dire platement. Hein. Mais c'est clair, quoi. Évidemment, quand elles sont pas contentes, elles le disent. Elles le font entendre, elles le font comprendre. Isabelle, quand elle crie, c'est foutez-moi la paix, quoi. C'est parce qu'elle en a marre qu'on s'occupe d'elle, qu'on lui donne son bain, enfin qu'on la lave, qu'on l'essuie, qu'on l'habille. Stéphane, il a essayé de me péter le bras. C'est un autre Stéphane, pas le grand. Un petit trisomique de 40 ans. Il essaie de me péter le bras parce qu'il ne voulait pas que je brosse les dents. Donc, il m'a arraché le bras. Il essaie de tordre, enfin, de manger sa brosse à dents. Ben voilà, on sait que ça ne leur plaît pas, mais bon. Mais c'est vrai qu'en même temps, tu vois, on peut faire... Ils sont malléables, quoi. C'est horrible. C'est horrible, en fait, le pouvoir qu'on a sur eux. Et donc, moi, pour revenir à Vol au-dessus d'un nid de coucou, hein, même si j'ai déjà fait une réflexion, un jour, j'ai envie que quand je dise « Allez, hop !» On monte, on va se déshabiller, on va prendre sa douche. J'ai envie qu'il y en ait un qui me réponde, mais merde, fous-moi la paix, quoi. C'est vrai, franchement, qu'il nous fasse une mutinerie, qu'il nous envoie, mais tous péter en disant, mais allez chier, quoi. Moi, j'ai envie de faire ce que je veux. Et, je suis adulte. Parce que c'est. Tous les jours, on les réveille, tous les jours, on les habille. Allez, 365 jours par an, quoi. Bon, le week-end, c'est plus cool, tu vois. On les laisse dormir, et encore, quoi. Ceux qui n'ont pas. S'il y a des infirmiers qui viennent le week-end. Pour les toilettes, quand l'infirmier est là, t'as plus le choix, quoi. Tu vas te lever si t'as envie de faire la grasse mat jusqu'à 11h, mais non, tu peux pas, quoi. Puis t'es obligé d'aller au lit quand on te dit d'aller au lit. C'est horrible, en fait. Mais eux, ça leur convient. Enfin, j'imagine, j'en sais rien, tu vois, mais... Ils ont pas vraiment le choix, non plus. Est-ce qu'ils connaissent autre chose ? Non. De toute façon, c'est ça ou c'est chez eux, quoi. Et je suppose que chez eux, c'est pareil aussi. Enfin, certains sont les rois chez eux, hein. On a déjà entendu des trucs où... Il y en a une, Morvette, quand elle vivait encore avec ses parents. Morvette ? Morvette, ouais. et en fait, c'était le tyran à la maison, quoi. Du style, elle pouvait enfermer ses parents dans le jardin pour en fait se goinfrer et regarder la télé et les enfermer, quoi. C'était le patron à la maison, quoi. Elle mettait son matelas devant le frigo. Et personne ne pouvait accéder au frigo, quoi, parce que... tu vois, c'est... Voilà, après, un jour, elle va se retrouver en institution, c'est clair, quoi. Quand c'est là, ses deux parents sont décédés. Donc, c'est sa sœur qui s'occupe d'elle. Mais elle est dans la liste d'attente. C'est horrible, cette liste d'attente. Elle est dans la liste d'attente pour l'hébergement. Je sais que quand elle va venir, pour elle, ça va être... Oh, ça va être super dur, quoi. Pour nous aussi, tu sais, je crois. Je crois que pour nous aussi. Mais ça va être un apprentissage, tu vois. Apprendre les règles de l'institution. Parfois, j'ai envie qu'ils m'envoient tous péter, quoi, ouais. Foutez-moi la paix, quoi. Tu vois, là, chez nous, quoi. Si j'ai envie de boire du café à 2h de l'après-midi, pourquoi je peux pas, quoi? Et quoi, alors si les personnes handicapées se rebellent et vivent leur vie, t'as plus de boulot? Si, hein, mais il faudra envisager le boulot autrement. Mais non, mais ça se passe. Si ça se passe, bah oui, de toute façon, il faudra... C'est gay à imaginer. J'ai lu un truc comme ça, en fait, où c'est un enfant, un ado fortement handicapé. C'est un dossier qui va passer au fonds d'aide. Donc c'est un projet de création radiophonique. Et lui se rebelle, quoi. Dans l'idée, avec quatre copains, donc c'est quatre ados lourdement handicapés qui vont prendre en otage... dans une église, des gens pour revendiquer ce qu'ils veulent, quoi. Je trouve ça génial. C'est une fiction. Ouais, complètement. Je trouve ça excellent. Parce que du coup, moi j'entendais récemment aussi des gens qui parlaient de la sexualité des personnes handicapées. C'est comme si c'était un peu tabou. Et maintenant, on commence tout doucement à lever un peu le voile de tout ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, dans ta structure? Non, mais ça, c'était vraiment des personnes... lourde. Enfin, ouais. Voilà, il y a peut-être une différence très nette à faire et à dire entre des personnes handicapées bien lourdes et... Nous, ce qu'on appelle, c'est sévère à profond. Donc, c'est vraiment... ils sont très centrés sur eux-mêmes. Donc, au niveau de la sexualité, c'est essentiellement la masturbation, quoi. Au niveau de l'hébergement, c'est vraiment ça. Ça va pas au-delà. S'il y en a un qui fantasme sur une autre, mais voilà, c'est dans les dires, quoi. Après ça, il parle, oui, c'est mon amoureux. Marguerite, son mari, c'était Pierrot. Chantal a un amoureux en centre de jour, Patrick. Et alors, là, c'est marrant parce que là, il faut lui dire, mais toi, là, tu dois pas tout accepter. Parce qu'elle le dit dans le docu, hein, j'aime bien qu'il me touche le corps. Et en fait, ils se font des massages. Donc, il lui fait des massages, il lui fait de la gym. Et là, on a dû lui dire à Chantal, voilà, mais c'est à toi de dire ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et c'est pas évident, en fait, parce que tu vois, ça se passe en centre de jour. Donc, il n'y a pas spécialement de lieu d'intimité. Les toilettes. Non, mais c'est vrai, c'est les toilettes, quoi. Parce que, bon, on sait très bien, il s'est déjà passé des attouchements sexuels dans les toilettes, quoi. Puis alors, à chaque fois, c'est la grosse question. Et récemment, là, c'était des attouchements homosexuels, en fait, dans une toilette. Et là, je me souviens, c'était il y a 2 ans, je crois. Et alors là, en réunion, c'était, mais... incroyable. Cool. T'avais vraiment... Le personnel s'est séparé en deux... En deux parties, en deux tendances. Alors, il y a ceux, c'est « ça ne peut pas se passer, il ne faut pas accepter ». Pourquoi ils disaient ça? Suivant quelles règles? Enfin, il n'y a pas eu plus de développement, enfin, genre... Mais moi, j'étais dans l'autre partie, évidemment, en disant « mais tant qu'il n'y a pas d'abus, tant que les deux sont consentants, il n'y en a aucun qui a crié « au secours, aidez-moi, arrête, tu me fais... » Enfin, il n'y a rien eu de tout ça. Je dis, mais tant que les deux sont consentants, où est le problème? Alors, dans le camp adverse, on va dire, là, c'était, oui, mais si les parents le savent, je sais pas, on le dit pas. Parce que pour les parents, eux, c'est vraiment tabou, quoi. À un moment, on avait, il y a très longtemps, hein, il y a 10 ans, une dizaine d'années même, on avait voulu faire une activité d'éducation sexuelle, entre guillemets, bah, pour qu'ils comprennent un peu ce qui se passe dans leur corps, dans leurs envies, que c'est tout à fait logique, que se masturber, c'est tout à fait normal également. Les parents ont mis le haut là en disant « ils savent pas ce que c'est mieux. Comme ça, on leur apprend rien, c'est mieux qu'ils ne savent pas. » On a fait « mais aussi des adultes. Et non, c'est vraiment... Donc clairement, non, on n'en parle pas. Enfin, nous, on n'en parle pas aux parents. On leur en parle pas parce que... Enfin, si, ceux qui en parlent, ils en parlent. Hein. Je sais bien qu'en centre de jour, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais il y en a un qui allait... qui allait chez une prostituée une fois par mois avec son frère, un truc comme ça. C'était tout à fait... Voilà. Les autres ne demandent pas. Enfin, je sais qu'en hébergement, ils ne demandent pas. Juste, c'est plus, ouais, ils se masturbent, quoi. Ça, faut juste leur dire de ne pas se masturber en plein milieu du salon. Pourquoi? C'était pour... C'était une blague. Oui, mais pourquoi? Il y a des lieux... Bah, non, dans leur chambre, ils font ce qu'ils veulent, quoi. C'est une blague. Non, mais voilà. Mais c'est vrai que la sexualité, bon, j'imagine, mais chacun, tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Et ça tombe, il y en a qui sont contents comme ils sont. Bah, je crois que ça dépend de l'ouverture d'esprit aussi du travailleur, quoi, clairement. Je sais qu'il y en a que ça peut choquer. Ou que ça met mal à l'aise. Puis il y en a d'autres pas du tout, quoi. Enfin, voilà, moi, tant qu'ils sont consentants, tu vois, qu'ils s'amusent, quoi. Oui, enfin, et en même temps, c'est... J'imagine que dans ton boulot, on ne parle pas de ça tous les jours, quoi. C'est un peu... Parce que peut-être il n'y a pas de problème qui vienne soulever ça aussi. Voilà, il n'y a pas, y a pas de problème, puisqu'il n'y a pas... Je te dis, c'est essentiellement s'en tourner vers eux-mêmes, leur sexualité. Donc c'est vrai que ça ne se pose pas. Au village numéro 1, ça se posait. Parce qu'il y a eu des cas, d'abus. Il y en avait une qui... On savait quand elle n'était pas bien, parce qu'elle faisait quasi le trottoir... dans le village, quoi. Elle ramenait un peu n'importe qui. Donc là, à un moment, il faut faire... Là, il faut avoir une discussion. Il faut pouvoir en parler. Bon, là, j'étais stagiaire, là, hein, et j'ai travaillé 3 mois là. Donc, je ne sais pas actuellement où ils en sont. C'est vrai que chez nous, ça ne se pose pas. Donc, c'est en centre de jour, ça se pose plus, peut-être. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont... Ben voilà, ils sont amoureux. Et donc... Bah c'est là, c'est en centre de jour qu'on a déjà retrouvé. Ils étaient deux, plusieurs fois deux dans les toilettes. Et on sait qu'il y a des. Enfin, voilà, ça se passe, quoi. Donc là, il y a peut-être une réflexion à avoir, et encore, quoi. Ce serait intéressant, n'empêche. Mais bon, voilà, il y a toujours. Voilà, moi, je me dis, il faudrait avoir une activité comme ça, découverte sexuelle, ou je ne sais pas très bien comment on pourrait l'appeler, mais sans le dire aux parents. Ouais, c'est pas possible, ça. Bah, c'est un peu les prendre, c'est un peu peut-être trahir leur confiance, j'en sais rien, tu vois. Mais ça reste, tu vois, les parents, ça reste quand même assez vieux jeu, quoi. Quand tu sais que les adultes, en général, je crois que... Oui, non, maintenant, il y a des jeunes en centre de jour. Mais donc, ils ont entre 20 et 70 ans, donc t'imagines bien que les parents, là-dedans, quand ils sont encore là, n'ont peut-être pas la largesse d'esprit qu'on peut avoir quand nous, en tant que travailleurs, on a 30, 40, voire 50 ans, quoi. Ils ont leur... ça reste notre génération, tu vois. Même s'ils ont connu mai 68 et la révolution sexuelle, je suis pas sûre qu'ils auraient... Non, mais c'est vrai. Hein. Puis c'est gênant, peut-être, aussi. Je crois que ça leur fait peur, également, quoi. Aux parents, ça. Ouais. Je sais que, normalement, toutes les filles ont un contraceptif, quoi. En hébergement, elles l'ont toutes. Ça, c'est clair, quoi. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver, quoi. Non, mais clairement, quoi. Tu ne peux pas savoir ce qui peut arriver. Bon, en même temps, c'est une contraception... allez. Je sais pas comment on appelle ça. C'est épicure, en fait. Ce qui leur permet, en plus, aux femmes de ne pas être réglées. Et ça, c'est quand même un soulagement, tant qu'on est dans les trucs. Parce que devoir gérer les règles, j'imagine même pas, quoi. Il y en a une, deux, et ça va, elle gère assez bien toute seule. Mais il y en a... Je suis contente qu'il y ait un médicament qui permette de ne pas en avoir. Il y aura encore plein de choses à dire, il y aura plein de questionnements, évidemment, parce que là, on rentre dans un univers... Je sais pas, moi, tu sais, les parents, quand ils apprennent, est-ce qu'ils le savent à la base? J'imagine que non, puisque... Enfin, pas tous les parents, puisque l'échographie et tout, c'est un truc récent. Enfin, ça pose plein de questions, quoi, de mettre un enfant au monde handicapé. Aujourd'hui, on peut le savoir. Ça veut dire que tu mettrais un enfant handicapé dans ce monde-ci. J'ai entendu récemment comme ça une interview avec une personne mongole qui parlait, on comprenait pas tout, mais c'était super touchant, quoi. Et ses parents, après, prenaient la parole pour dire, bah oui, nous, on a décidé de quand même mettre au monde, je sais plus le prénom de cette fille. C'est une vidéo ? Non, non, c'était à la radio, quoi, sur France Inter, il y avait une émission en live, et on rencontrait, je me dis, waouh, quoi, c'est quand même pas... C'est un peu nouveau aussi, tu vois, de donner la parole vraiment à un mongol, quoi. Enfin, trisomique. Il y a un trisomique, oui, je sais, mais bon, voilà, n'y voyez aucun jugement de valeur. Je trouve que des fois, appeler les choses par leur nom, c'est beaucoup plus simple. Et on se comprend mieux, mais ça ne veut pas dire que je ne respecte pas la personne. Mais cette personne, en fait, on lui a tendu le micro. Et donc, ça donne une fille comme ça, que là, tu ne comprends pas tout. Mais moi, je me souviens que ça m'a... Tu vois, c'était au matin, ça m'a touchée, quoi. Et puis après, tu entends les parents... qui explique pourquoi ils ont quand même mis au monde, je ne sais plus le prénom de cette fille, quoi, mais c'est énorme, quoi. Il y aurait plein de questions à se poser aussi par rapport à tout ça. Toi, qu'est-ce que t'en dis comme ça, brièvement, même sur le sens de la vie, quoi, on donne la vie, c'est quoi ce bazar, quoi? Parce que l'autonomie, bon, quelque part, les personnes avec qui tu travailles ne seront jamais autonomes. C'est quoi cette vie, en fait? C'est quoi ce bazar? Tu comprends quelque chose? Franchement, hein, je voudrais pas avoir leur vie, même si je suis toujours persuadée qu'en fait ils vivent bien, ils sont heureux. Mais et moi c'est parce que j'ai connu autre chose, enfin voilà, parce que je suis pas dans leur situation. Alors dans le sens de la vie, moi je sais que quand j'étais enceinte, c'était une panique d'avoir un enfant handicapé. Moi je crois que si on m'avait dit il est handicapé, je l'aurais pas mis au monde. C'est dur, hein, c'est dur à dire, hein, mais. Mais non, c'est pas dur, c'est un choix. Ouais. Mais pourquoi tu l'aurais pas mis au monde? Pourquoi? Parce que tu perds déjà... quand tu vas être parent, tu idéalises évidemment un enfant. Et voilà. Moi, c'était clair, enfin, si j'ai un enfant handicapé, c'est clair que je vais le mettre en institution. Pourquoi? Pour qu'ils soient autonomes. Parce que pour moi, c'est clairement en institution qu'ils peuvent devenir autonomes. Parce que, voilà, les parents ont tendance à compenser. Et je sais très bien que... Voilà, et donc c'est pas... Puis après, enfin tu vois, puis quand toi t'es plus là, parce que là, déjà, tu vois, quand toi t'es plus là, il devient quoi ton gamin, quoi? Qui sait pas s'occuper de lui. Et puis voilà, moi j'ai vu au village numéro 1 des personnes handicapées. Donc elles sont légères et j'en ai consolé un, quoi, qui était occupé à pleurer, assis par terre, parce qu'il voulait aller vivre avec son amoureuse, avec Marianne. Il pouvait pas. Parce qu'il était handicapé et que jamais il pourrait aller vivre avec elle, quoi. Et que jamais il pourrait se marier et avoir des enfants et donc jamais pour avoir un appartement. Il voulait un appartement. Il voulait dormir toutes les nuits avec elle, quoi. Et là, mais tu fais juste, mon Dieu, ben, tu dis, allez, merde, quoi. Déjà, toi, en tant que personne dite normale, tu dois faire des croix sur certains rêves que tu as, mais pas élémentaires comme ça, quoi. Pas élémentaires comme ça. Et donc, je crois que c'est quand même... La vie, elle est quand même remplie de frustration, c'est clair. Mais alors là, je crois que la leur, c'est... Je me fais un film, hein, parce que voilà, c'est un peu en contradiction avec ce que je dis dans le documentaire, du fait qu'ils soient heureux. Mais non, mais non, c'est pas contradictoire. C'est vision, ouais. Tu dis que c'est possible qu'il soit. C'est pas simplement de la frustration. Ils peuvent être aussi heureux, mais il y a aussi de la frustration, quoi. Ça fait partie. Ouais, et puis d'être toujours. Enfin voilà, moi je trouve qu'il y a un manque de liberté. Clairement, c'est pour ça que je disais, j'ai envie qu'ils me disent merde, qu'ils se rebellent, qu'ils revendiquent plus de liberté. En même temps, je sais même pas comment je vais réagir dans ces cas-là, quoi. Je crois que je vais sauter en l'air, puis en fait, je vais, putain, merde. Non, et les gars, les règles, c'est comme ça, et on fonctionne comme ça. J'en sais rien, en fait. Ouais, voilà, mais je crois que c'est le manque de liberté, quoi. C'est pour ça que je travaille à mi-temps. Parce que sinon, moi aussi, je crois que je me retrouverais coincée. J'aurais l'impression d'être coincée comme eux, en fait. Tu sais, ce que travailler à mi-temps, je travaille le lundi et le mardi, de 8h à 14h. C'est cool quand même. Et un week-end par mois. D'ailleurs, je travaille ce week-end. Et voilà, c'est cool parce que j'ai la liberté de faire autre chose et de ne pas être coincée tout le temps dans ces règles institutionnelles qui m'étoufferaient, en fait. Oui, c'est des grosses règles institutionnelles, quoi. Déjà. Et en plus, on n'explique pas toujours pourquoi. C'est comme ça. Et pourquoi ? Parce que c'est comme ça. On a décidé que... Oui, mais pourquoi ? Et voilà. Moi, je crois aussi, je comprends pas pourquoi j'intègre pas les règles. Donc, parfois, j'ai quelques petits soucis, d'ailleurs, à mon boulot d'être rebelle. Ben voilà, j'aimerais bien qu'il soit comme moi, qu'il se rebelle. Voilà. On peut écouter De l'autre côté de la porte sur Internet, sur le site de l'atelier de création sonore radiophonique, donc acsr.be. Et puis, il faut chercher soit à Déborah Fabré, soit à De l'autre côté de la porte. Et sinon, sur SoundCloud, il y a moyen de le trouver également. Là, pour l'instant, il n'y a qu'un extrait, mais je crois que dès que le micro va être coupé, je vais aller mettre le docu en entier sur SoundCloud et sur Mixcloud. Sur Mixcloud, c'est sous mon nom, donc Déborah Fabré. Et là, on peut le trouver, l'écouter.